Chapitre 15e, en prison. Huston Lane ne recouvrait pas son calme. Les accidents, les méfaits y avaient abondé à peu près comme partout ailleurs. Mais de mémoire d'homme, jamais crime n'y avait excité l'intérêt qui s'attachait au meurtre de Anthony Dare. La position, le rang qu'occupait la famille, l'incertitude, le mystère qui enveloppait la perpétration du crime, portaient au plus haut degré la curiosité du public. C'est à peine si l'on émettait le moindre doute sur la culpabilité de Herbert. La police, qui activait ses recherches, était de la même opinion. Sous un rapport, ce dernier fait était déplorable, car lorsque les soupçons, soit de la police, soit du public, se dirigent spécialement sur un point isolé, ils tendent à effacer les doutes qui pourraient naître en d'autres points. Du reste, toutes les circonstances semblaient se réunir pour accuser Herbert. Sa mésintelligence avec son frère, sa querelle dans la salle à manger, ses menaces de vengeance et surtout son manteau. Tout s'est fait parler contre lui, mais aucun n'égalait le tort que lui causait son refus de dire où il avait passé une partie de la nuit. Il répétait constamment qu'il avait quitté la maison entre 8 et 9 heures pour n'y rentrer qu'à 2 heures. « Mais où étiez-vous? Où aviez-vous été? D'où veniez-vous? Je ne puis vous le dire. J'avais une affaire particulière qui ne regardait personne et que je refuse de faire connaître publiquement. » On ne pouvait rien obtenir de plus. Le juge d'instruction, le jury, la police, chacun en tirait les mêmes conclusions. Personne n'avait vu Herbert traverser la ville. L'apparition des fils d'air était chose si fréquente qu'on n'y prenait pas garde. Herbert déclarait qu'en passant de la rue de l'Ouest, il avait vu M. Fartle, le commissaire-priseur, appuyé sur la fenêtre de sa chambre à coucher et que lui, Herbert, l'avait appelé en lui demandant s'il regardait les étoiles. M. Fartle, questionné, ne put corroborer ce récit. Il croyait bien se rappeler qu'à cette heure-là, il avait regardé par la fenêtre, car il avait été se coucher très tard, ayant été indigné d'amis, mais il ne se souvenait pas d'avoir vu passer M. Herbert ni personne d'autre. Serré de près, il avoua que peut-être il n'avait pas à ce moment-là la tête bien dégagée, car le dîner auquel il avait pris part avait été copieux et largement arrosé. Un membre du jury observa qu'il était étonnant que le prisonnier eût pu traverser la salle à manger sans apercevoir son frère. Herbert répliqua qu'il n'y avait là rien d'étonnant. Il faisait sombre, et il avait deviné son chemin en passant de l'autre côté de l'endroit où son frère était étendu. Il était monté à sa chambre aussi doucement que possible, pour ne pas déranger la maison, et s'était endormi tout de suite. Il fut, malgré ses dénégations, consigné dans la prison. M. Delves et ses hommes renouvelèrent leurs enquêtes sans plus de résultats. Le sergent était vivement contrarié, mais il ne voulait pas s'avouer battu. « Donnez-nous du temps, » disait-il en secouant la tête d'un air fin. « Les pyramides d'Égypte n'ont pas été bâties en un jour. » On avait fixé le mardi suivant pour les funérailles d'Anthony. Tous les curieux de Helstonleigh assiégeaient le cimetière. C'était un triste spectacle que ce cercueil couvert d'un drap noir, porté par les domestiques, suivi de M. Dare et de ses fils Cyril et George. Le père se cachait la figure dans son mouchoir. Bien des personnes de Helstonleigh étaient plus estimées et plus respectées que M. Dare le notaire, mais aucune n'excitait ce jour-là autant de sympathie, et il n'était personne non plus qui ne plaignit du fond du cœur le sort du malheureux Anthony, appelé si subitement à répondre de sa conduite devant son créateur. Ce même jour, y revenir Samuel Lynn et William Halliburton. Ils arrivèrent dans la soirée, et la première nouvelle qu'ils accueillit fut naturellement celle qui préoccupait toute la ville. Peu de choses dérangeaient le calme constant du Quaker, mais William fut atterré. Anthony Dare assassiné, enseveli le jour même, et Herbert en prison, attendant son jugement. « Monsieur, » dit-il à M. Ashley, quand le matin suivant ils se retrouvèrent à la manufacture, « croyez-vous que Herbert Dare soit coupable ?» M. Ashley, perdu dans ses réflexions, regardait William. Le changement que nous sommes si prompt à remarquer dans un ami après quelques semaines d'absence était visible chez William. Sa figure noble et intelligente avait pris un air plus digne et plus mâle, qui frappait M. Ashley. « Je ne puis le dire, » répondit-il, réveillé par la question. « Les faits me paraissent bien concluants, mais j'ai peine à croire qu'il se soit égaré à ce point. »« C'est vrai, » fit William. « Nous sentons très vivement cette humiliation comme tous ceux qui sont quelque peu liés avec les Dare. »« Je la sens, moi, William. Madame Ashley était une cousine de M. Dare. »« Ils sont aussi nos parents, » dit William à voix basse. « Mon père était cousin germain de Madame Dare. » M. Ashley le regarda avec surprise. « Votre père, cousin germain de Madame Dare, qu'est-ce que vous dites ?»« Son cousin germain, monsieur. » Vous avez entendu parler du vieux Monsieur Cooper, de Birmingham, dont les Dare ont hérité, eh bien. Monsieur Cooper avait un frère et une sœur. Madame Dare était la fille du frère. La sœur épousa le révérend William Halliburton, et mon père était leur fils. Madame Dare, c'est-à-dire Julia Cooper, et mon père, Edgar Halliburton, ont demeuré quelque temps ensemble, à Birmingham, chez leur oncle. Un moment de silence, puis M. Ashley posa sa main sur l'épaule de William. Cette découverte établit entre nous une espèce de parenté, William. J'aurai le droit d'être fier de vous, maintenant. William se mit à rire, mais sa joue rougissait d'un sentiment plus profond. Son plus grand désir était d'être apprécié par M. Ashley. « Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de votre parenté ?» s'écria M. Ashley. « L'avez-vous caché à dessein ?»« Il n'y a qu'un an ou deux que je la connais, » répondit William. « Frank et Gar l'ignorent encore. » Quand nous sommes venus à Helstonleigh, les Dare ont été formés contents, et ils l'ont fait sentir à ma mère d'une façon si flagrante qu'elle résolut de cesser toute relation avec eux. Peut-être était-il naturel qu'ils en fussent fâchés, ajouta William comme pour les excuser. Ils étaient riches et bien placés aux yeux de la ville, tandis que nous étions pauvres et obscurs. Monsieur Ashley songeait au passé. Certains événements qui l'avaient toujours intrigué lui apparaissaient clairs maintenant. William, quand Monsieur Dare, agissant en mon nom, à ce qu'il prétendait, a fait mettre la saisie chez vous. Ce doit avoir été dans le but de vous chasser de la ville. Ma mère l'a toujours pensé, monsieur. Je vois. Mais William, la moitié de l'héritage dont jouissent les Dare aurait dû appartenir à votre père. Nous nous en passerons bien, monsieur, dit William. Et un brillant sourire illumina ses traits. La lutte, il est vrai, a été bien dure au commencement. Oui, certes, vous vous en passerez, fit monsieur Ashley avec chaleur. Les voies de la Providence sont merveilleuses. « Oui, et je sais que vous le pensez aussi, William. Ce que les hommes appellent l'effet du hasard, ce sont les voies de Dieu. Réfléchissez aux circonstances qui favorisaient les Dare et à celles qui vous reléguaient à l'arrière-plan. Ils avaient pour eux la position, la fortune, une profession lucrative, en un mot, tout ce que peut désirer une famille de leur rang. Tandis que vous deviez lutter contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, regardez-les. La fortune de M. Dare est dissipée. Il est criblé de dettes. « Je le sais de bonne source, William, mais je ne le dis qu'à vous. La folie, le désordre, l'irréligion règnent dans sa maison. Ses fils sont perdus de vanité, ses fils sont pires encore. Dans quelques années, ils seront descendus bien bas, oui, William, plus bas que terre, je le prévois. Vous et eux, vous aurez changé de place, ou je me trompe fort, ou bien vous et les vôtres serez dans une position supérieure à celle qu'ils auront jamais occupée, car vous saurez attirer la faveur de Dieu et l'approbation des hommes. » Je ne mets pas en doute que Frank et Gar n'atteignent un jour une position. Lorsque je songe à la manière étonnante dont nous avons été protégés, répondit William d'un air pensif, quant à moi, je ne suis pas ambitieux. N'avez-vous jamais fait de rêve sur votre compte? Demanda M. Ashley. Si j'en ai fait, ils étaient bien vagues, monsieur. Ma position ne prête pas à l'ambition. Je le sais bien, mais ne seriez-vous pas satisfait si vous deveniez un des grands manufacturiers de cette ville? Demanda M. Ashley en riant. Non. À moins que je ne fusse un des premiers, comme... William s'arrêta. Comme moi, par exemple, acheva tranquillement M. Ashley. Oui, dit William, en levant ses yeux si francs sur son patron. S'il m'était possible d'être un jour ce que vous êtes, monsieur, comme caractère, position, fortune, estime, cela me suffirait et je m'en irais content. Certainement non, s'écria M. Ashley. Vous penseriez alors à servir vos concitoyens au Parlement? L'homme tend toujours à monter, il ne peut rester tranquille, aussitôt qu'un objet d'ambition est atteint, il en cherche d'autres. Quant à cela, monsieur, il est inutile que nous en discutions. Il n'y a pas la moindre chance que je devienne jamais un pauvre petit fabricant, encore moins un manufacturier comme vous, monsieur. La première chose qui vous rapprocherait de moi, William, serait de devenir mon associé. La voix de M. Ashley était si significative que William se sentit rougir. M. Ashley s'en aperçut. Cette ambition vous est-elle jamais venue? Non, monsieur, jamais. On considère cet honneur comme destiné à Cyril Dare. Vraiment? Fit M. Ashley avec calme. Si Cyril pouvait devenir William et William Cyril, la chose ne serait pas impossible. Cyril, monsieur, compte devenir votre associé. Trouvez-vous que ce serait un associé convenable pour moi? Demanda le patron en regardant William en face. William ne répondit pas. M. Ashley continua. Je ne vous engage pas à caresser cette ambition. Je ne prévois pas assez l'avenir, mais j'ai l'intention de vous pousser dans le monde. Je n'ai pas de fils à y faire entrer. » Ici, une expression de tristesse passa sur sa figure. « Tout ce que je puis faire pour mon fils, c'est de le laisser à l'aise. C'est pourquoi, si je vis, je vous pousserai à sa place, à condition toutefois, William, que vous continuiez à le mériter. » Un sourire monta sur les lèvres de William. Il était évident qu'avec l'aide de Dieu, il saurait se rendre toujours digne de cette estime. M. Ashley posait de nouveau sa main sur l'épaule de William et le regardant, « Samuel Lynn m'a fait son rapport sur votre compte. Il est bien rare que l'ami se laisse aller à des louanges décisives. « Ah, vraiment, monsieur ?» s'écria William. « Je suis bien aise qu'il soit content de moi. Il est plus que content. Mais je ne dois pas oublier qu'Henry m'a chargé d'un message. Il est très fâché que vous n'ayez pas été le trouver déjà hier soir. Je l'enverrai en France un de ces jours sous votre escorte, William. Cela lui fera du bien, sous plus d'un rapport. J'irai voir Henry ce soir, monsieur. Je le quitterai cependant une demi-heure pour aller chez Matisse. Votre conscience y est engagée à ce que je vois. Vous savez de quoi Henry vous a accusé la dernière fois que vous y avez été ? Sans doute d'être amoureux de Charlotte, dit William en riant, en réponse au sourire de M. Ashley. J'irai en tout cas, monsieur, et je réglerai ce second point avec Henry.